Comment dirait-on « je vais aller à la maison »« J'irai à la maison »« Ich werde nach Hause gehen »« Ich werde nach Hause gehen » Et comment diriez-vous « et je resterai à la maison ce soir » C'est-à-dire « et je vais rester à la maison ce soir » Und ich werde Oui. Et je vais rester à la maison ce soir. Und ich werde. Ich werde. Und ich werde. Ce soir. Aujourd'hui soir. Heute Abend. Heute Abend. Rester à la maison. À la maison. Cette fois, il n'y a pas de mouvement, donc c'est. Zu Haus. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Oui. Rester. Bleiben. Prononcez bien le N. Bleiben. Bleiben. Und ich werde heute Abend zu Hause bleiben. Alors maintenant, comment dira-t-on « je vais rester à la maison ce soir, car je suis très fatiguée ». Ich bleibe. Ich bleibe. Oui. Ich bleibe heute Abend. Ich bleibe heute Abend. Zu Hause. Bien. Ich bleibe heute Abend zu Hause, car je suis très fatiguée. Denn. Je suis. Denn ich bin. Denn ich bin. Très fatiguée. Sehr müde. Bien. Ich bleibe heute Abend zu Hause, denn ich bin sehr müde. En fait, vous venez de dire « je reste à la maison ce soir »,« ich bleibe heute Abend zu Hause », mais vous pouvez aussi dire au lieu de « ich bleibe heute Abend zu Hause »,« je resterai à la maison ce soir »,« je vais rester à la maison ce soir ». C'est-à-dire ich werde ce soir heute Abend zu Hause bleiben. Bien. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben. Ceci vaut à la fois pour je vais rester à la maison ce soir et je resterai à la maison ce soir. C'est la même chose. Donc, on a « Ich werde heute Abend zu Hause bleiben ». Ainsi, « je resterai » ou « je vais rester » peut se traduire par un futur « Ich werde bleiben » ou un présent « Ich bleibe ». Alors encore une fois, « parce que je suis très fatigué » se dit « denn ». « Denn ich bin sehr müde ». Bien, denn ich bin sehr müde. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben, denn ich bin sehr müde.